raison des circonstances actuelles, Histoire vivante est en nouvelle diffusion. Pour cette semaine, Jean Leclerc vous propose une émission diffusée entre le 29 avril et le 5 mai 2019, consacrée à Charlie Chaplin, Charlot, l'éternel vagabond. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Our guest tonight is Charles Chaplin. Cette semaine, des vies multiples. D'une migration à l'autre, Charlot, l'éternel vagabond. Looks like the sun. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. J'avais hâte de te voir en studio. Aux États-Unis, tout le monde est pressé. Et comme par magie, je l'obtins. Charlie était considéré comme un mauvais citoyen parce que Charlie Chaplin a toujours refusé de demander la nationalité américaine. Il disait « Je suis un citoyen du monde ». Mesdames et messieurs, Charlie Chaplin vous parle et a l'honneur de vous saluer. Le fait est que je ne suis pas patriote. Non pas seulement pour des raisons morales ou intellectuelles, mais simplement parce que c'est un sentiment que je n'éprouve pas. Comment peut-on tolérer le patriotisme quand 6 millions de Juifs ont été massacrés en son nom? On me dira que c'était en Allemagne. Néanmoins, ces instincts meurtriers dorment au cœur de chaque nation. Je suis incapable de vociférer à propos de l'orgueil national. Si l'on baigne dans la tradition familiale, avec maison et jardin, enfance heureuse, famille et amis, je comprends ce sentiment. Mais je n'ai pas cette sorte d'antécédent. Tout au plus, mon patriotisme se nourrit-il d'habitudes locales, les courses de chevaux, la chasse, le pudding du Yorkshire, les hamburgers américains et le Coca-Cola. Mais aujourd'hui, tous ces produits indigènes se trouvent dans le monde entier. Naturellement, si le pays dans lequel je vivais venait à être envahi, je pense que, comme la plupart d'entre nous, je serais capable du sacrifice suprême. Mais je suis incapable d'éprouver un amour fervent pour mon pays natal, car il lui suffirait de devenir nazi pour que je le quitte sans regret. Et d'après ce que j'ai observé, les cellules du nazisme, bien qu'assoupies pour le moment, peuvent se réanimer très rapidement dans n'importe quel pays. Je ne souhaite donc pas me sacrifier à une cause politique, à moins que j'y croie personnellement. Je ne suis pas un martyr du nationalisme, pas plus que je n'ai le désir de mourir pour un président, un premier ministre ou un dictateur. J'embarquais sur le Queen Elizabeth à 5h du matin, heure romanesque certes, mais tout simplement pour la sordide raison que je devais éviter les huissiers porteurs de convocations éventuelles. Mon avocat m'avait donné pour instruction de monter discrètement à bord, de m'enfermer dans mon appartement et de ne pas me montrer sur le pont avant que le pilote eût débarqué. Comme depuis 10 années j'étais dressé à attendre le pire, j'obéis. J'espérais être sur le pont supérieur avec ma famille pour savourer cet instant émouvant où le navire largue ses amarres et prend le large. Au lieu de cela, j'étais ignominieusement enfermé à clé dans ma cabine à regarder par le hublot. Ohana, ma femme, m'a frappé à la porte. J'ouvris. Elle me dit que Jim Hadji venait d'arriver pour nous dire au revoir, qu'il était sur le quai. Je lui ai crié, dit sa femme, que tu étais caché pour éviter les huissiers et que tu lui ferais signe par le hublot. Il est au bout du quai, regarde. J'aperçus Jim Hadji, en effet. un peu à l'écart d'un groupe de gens, debout sous un soleil brûlant et qui scrutait le bateau. J'ôtais précipitamment mon feutre, je passais le bras par le hublot, je l'agitais, tandis que ma femme regardait par l'autre hublot. « Non, il ne t'a pas encore vu. » Il ne me vit jamais. Et ce fut la dernière image que je gardais de Jim, debout, tout seul, comme à l'écart du monde, le regard aux aguets, scrutateur. 2 ans plus tard, il mourut d'une crise cardiaque. Le pilote quitta enfin le navire. Je déverrouillai ma porte et je sortis sur le pont en homme libre. La ligne imposante des gratte-ciels de New York, hautain et magnanime, s'était enfuie sous le soleil dans toute sa beauté éthérée. Et maintenant qu'elle avait disparu, j'avais l'étrange impression que tout ce vaste continent s'était enfoncé dans la brume. J'étais impatient de visiter l'Angleterre avec ma famille. Les immensités de l'Atlantique vous purifient l'âme. Je me sentais un autre homme. Je n'étais plus un mythe du monde du cinéma, une cible offerte à l'acrimonie des gens, mais un homme marié qui partait en vacances avec sa femme et sa famille. Les enfants jouaient sur le pont supérieur, tandis que mon épouse, Oana, et moi étions assis dans des transatlantiques. Je compris alors ce que c'était le bonheur parfait. Quelque chose de très proche de la tristesse. Anna et moi comptions prendre de longues vacances et nous consacrer au plaisir de vivre. Et avec le lancement de Limelight, nos vacances ne seraient pas sans but. C'était extrêmement agréable de se dire que nous combinions l'utile à l'agréable. Le déjeuner du lendemain n'aurait pu être plus gai. Nous avions comme invités les Arthur Rubinstein et Adolph Green. Mais au beau milieu du repas, on remit un télégramme à Harry Crocker. Il allait le fourrer dans sa poche, mais le chasseur lui dit « Ils attendent une réponse par radio ». Harry lut le texte et son visage s'assombrit. Et puis il nous pria de l'excuser et il quitta la table. Un peu plus tard, il me demanda de venir dans sa cabine et me lut le câble. On m'annonçait que l'accès des États-Unis m'était interdit et qu'avant de pouvoir y retourner, je devrais comparaître devant une commission d'enquête du service d'immigration pour répondre à des accusations d'ordre politique et moral. United Press voulait savoir si j'avais un commentaire à faire. Je sentais tous mes nerfs tendus. Peu m'importait de retourner ou pas dans ce malheureux pays. J'aurais aimé leur dire que plus tôt j'étais débarrassé de cette atmosphère chargée de haine, mieux cela valait, que j'en avais par-dessus la tête des insultes et de la morale pontifiante de l'Amérique, que tout cela m'assommait. Mais tout ce que je possédais était aux États-Unis. J'étais terrifié à l'idée qu'ils puissent trouver un moyen de le confisquer. Je m'attendais maintenant à n'importe quelle action sans scrupule de leur part. Je me contentais donc de déclarer pompeusement que je viendrais répondre à leur accusation et que mon permis de retour n'était pas un chiffon de papier, mais un document qui m'avait été accordé de bonne foi par le gouvernement des États-Unis et autres blablabla. Nous avions de nombreux problèmes à résoudre. Tout d'abord, sortir notre argent des États-Unis. Cela signifiait qu'Oana devait reprendre l'avion pour la Californie et retirer tout ce qui se trouvait dans notre coffre. Elle fut absente 10 jours. Quand elle revint, elle me raconta en détail ce qui s'était passé. À la banque, l'employé examina sa signature, la regarda, puis s'en alla et eut toute une conférence avec le directeur de la banque. Oana eut un moment d'appréhension avant qu'on ouvrit la porte du coffre. Elle me dit qu'après en avoir fini à la banque, elle était allée à la maison de Beverly Hills. Tout était comme nous l'avions laissé. Les fleurs, le jardin étaient magnifiques. Elle resta seule un moment dans le living room, très émue. Et puis elle vit Henri, notre maître d'hôtel suisse, qui lui raconta que, depuis notre départ, des agents du FBI étaient venus 2 fois. Elle l'avait interrogé, voulant savoir quel genre d'homme j'étais, s'il était au courant de folles orgies avec des filles nues qui se seraient déroulées dans la maison, etc. Quand il leur répondit que je vivais paisiblement avec ma femme et ma famille, ils commencèrent à le houspiller et lui demandèrent de quelle nationalité il était, depuis combien de temps il était aux États-Unis. Ils exigèrent de voir son passeport. Oana me dit que quand elle apprit tout cela, les liens qui l'attachaient encore à la maison se trouvèrent coupés net. Même les larmes d'Hélène, notre femme de chambre qui pleura quand Oana s'en alla, ne réussirent qu'à précipiter son départ. Des amis m'ont demandé comment j'en suis arrivé à m'attirer une pareille hostilité des Américains. Mon grand péché fut et est toujours d'être un non-conformiste. Bien que je ne sois pas communiste, j'ai refusé de suivre le mouvement en les détestant. Cela a choqué bien sûr beaucoup de gens, y compris l'American Legion. Je ne suis pas hostile à cet organisme dans sa véritable signification constructrice. Des mesures comme le GI Bill of Rights et d'autres avantages accordés aux anciens combattants et à leurs enfants dans le besoin sont des mesures excellentes et humanitaires. Mais quand les légionnaires outrepassent leurs droits légitimes et sous prétexte de patriotisme utilisent leur pouvoir pour empiéter sur la vie privée des autres, alors ils commettent un délit contre la structure fondamentale du gouvernement américain. De pareils superpatriotes pourraient bien être les cellules capables de faire de l'Amérique un État fasciste. Ensuite, j'étais hostile à la commission des activités anti-américaines. Un titre malhonnête pour commencer, assez élastique pour permettre d'étouffer la voix de tout citoyen américain dont l'opinion n'est pas celle de la majorité. Enfin, je n'ai jamais cherché à devenir citoyen américain. Pourtant, des dizaines d'Américains qui gagnent leur vie en Angleterre n'ont jamais tenté de devenir sujet britannique. Par exemple, un directeur américain de la MGM, qui gagne un salaire hebdomadaire qui se chiffre en milliers de dollars, vit et travaille en Angleterre depuis plus de 35 ans, sans être devenu pour autant citoyen britannique, et les Anglais ne lui ont jamais cherché noise. Cette explication n'est pas une excuse. Quand j'ai commencé ce livre, je me suis demandé pour quelles raisons je l'écrivais. Elles sont nombreuses, mais l'idée de m'excuser ne figure pas parmi elles. Pour résumer ma situation, je voudrais dire que, dans une atmosphère de cliques puissantes et de gouvernements occultes, je me suis attiré l'hostilité de tout un pays et que j'ai malheureusement perdu l'affection du public américain. Je crois le moment venu de dresser un bilan du monde tel que je le vois aujourd'hui. Les complexités de plus en plus nombreuses de la vie moderne, le rythme effréné du siècle qui font que l'individu se trouve cerné par des institutions gigantesques qui le menacent de tous côtés, sur le plan politique, scientifique, économique. Nous devenons les victimes du conditionnement des âmes, des sanctions et des permissions. Cette matrice dans laquelle nous nous sommes laissés mouler est due à un manque d'intuition culturelle. Nous nous sommes lancés aveuglément dans la laideur et dans l'entassement, et nous avons perdu notre sens esthétique. Notre sens de la vie a été émoussé par l'appât du gain, le pouvoir et le monopole. Nous avons laissé ces forces nous envelopper sans nous préoccuper le moins du monde des redoutables conséquences que cela pourrait avoir. La science, privée d'une orientation réfléchie et du sens des responsabilités, a remis aux politiciens et aux militaires des armes de destruction telles qu'ils détiennent entre leurs mains le destin de toutes les créatures vivantes sur cette terre. Cet excès de pouvoir confié aux mains d'hommes doués d'une responsabilité morale et d'une compétence intellectuelle dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas infaillibles, est dans bien des cas contestable et pourrait se terminer par une guerre qui exterminerait toute vie sur Terre. Et pourtant, nous allons aveuglément de l'avant. Carlyle a dit que le salut du monde viendra de la pensée populaire. Mais, pour y parvenir, l'homme doit être poussé par de graves circonstances. C'est ainsi qu'en divisant l'atome, il se trouve acculé et qu'il est obligé de penser. Il a le choix entre se détruire ou savoir comment se conduire. Le mouvement même de la science le force à prendre cette décision. Et, dans ces circonstances, je suis convaincu que son altruisme finira par l'emporter et que sa bonne volonté envers l'humanité triomphera. En raison des circonstances actuelles, Histoire vivante est en nouvelle diffusion. Pour cette semaine, Jean Leclerc vous propose une émission diffusée entre le 29 avril et le 5 mai 2019, consacrée à Charlie Chaplin, Charlot, l'éternel vagabond. Peu après mon retour en Suisse, je reçus une lettre de Nehru, accompagnant un mot d'introduction de Lady Mountbatten. Elle était certaine, écrivait-elle, que Nehru et moi avions de nombreux points communs. Nehru passait par Corsier, et peut-être pourrions-nous nous voir. Comme il tenait sa conférence annuelle d'ambassadeur à Lucerne, il me fit savoir qu'il serait ravi si je pouvais venir passer la nuit là-bas. Le lendemain, il me déposerait au manoir de Ban. Je partis donc pour Lucerne. Je fus surpris de trouver un homme de petite taille, comme moi. Sa fille, Madame Gandhi, était là également, une femme charmante et discrète. Nehru me parut un homme à l'humeur changeante, austère et sensible, doué d'un esprit extraordinairement alerte et subtil. Au début, il resta quelque peu sur ses gardes, jusqu'au moment où nous quittâmes ensemble Lucerne pour regagner le manoir de Ban, où je l'avais invité à déjeuner, sa fille voyageant dans une autre voiture, car elle se rendait à Genève. Et nous eûmes pendant le trajet une conversation passionnante. Il me parla avec beaucoup d'estime de Lord Mountbatten, qui en tant que vice-roi des Indes, avait fait un remarquable travail là-bas, en liquidant les intérêts britanniques. Je lui demandai quelle direction idéologique allait prendre l'Inde. Il me répondit, quelle qu'elle soit, ce sera pour l'amélioration du peuple indien. et il ajouta qu'un plan quinquennal était déjà en train. Il parla avec brio pendant le voyage, tandis que son chauffeur roulait à près de 120 à l'heure, fonçant dans d'étroites routes de montagne et arrivant brusquement sur des virages très secs. Nehru était passionné par l'exposé qu'il me faisait sur la politique de l'Inde. Mais je dois avouer que je manquais la moitié de ses propos tant j'étais préoccupé par le style de conduite de son chauffeur. Au milieu des hurlements de pneus et des coups de frein qui nous projetaient en avant, Nehru continuait, imperturbable. Dieu merci, il y eut un répit quand la voiture dut s'arrêter à un carrefour où sa fille devait nous quitter. Ce fut alors qu'il se montra un père tendre et prévenant, serrant sa fille dans ses bras en lui disant tendrement « Fais attention ». Parole qui aurait été plus appropriée dans la bouche de sa fille, s'adressant à son père. Durant la crise coréenne, alors que le monde retenait son souffle au bord du précipice, l'ambassade de Chine téléphona pour demander si j'autorisais une projection privée des lumières de la ville à Genève pour Chuan Lai, qui était le pivot autour duquel allait se décider la guerre ou la paix. Le lendemain, le Premier ministre nous invita à dîner avec lui à Genève. Avant notre départ pour Genève, le secrétaire du Premier ministre téléphona pour dire que son Excellence serait peut-être retenue quelque temps car un incident imprévu, autant dire un euphémisme, venait de se produire à la conférence et qu'il nous rejoindrait plus tard. Lorsque nous arrivâmes, nous eûmes la surprise de trouver Chuan Lai qui nous attendait sur le perron de sa résidence pour nous accueillir. Comme le reste du monde, j'avais hâte de savoir ce qui s'était passé à la conférence, aussi le lui demandai-je. Il me donna une petite tape sur l'épaule. « Tout vient de s'arranger à l'amiable il y a 5 minutes », me dit-il. Chuan Lai nous raconta ce soir-là une touchante anecdote sur l'entrée triomphale de Mao Tse-tung à Pékin. 1 million de Chinois étaient là pour l'accueillir. On avait dressé une grande estrade de 5 mètres de haut au fond d'une immense place. Et lorsqu'il gravit les marches qui y montaient, le haut de sa tête apparut d'abord à la foule, car l'escalier était disposé derrière, et un rugissement de bienvenue jaillit 1 million de gorges, augmentant tandis que la silhouette esselée apparaissait aux yeux de tous. Et quand Mao Tse-tung, le conquérant de la Chine, vit toute cette multitude, il s'arrêta un moment, et puis se prit soudain le visage à deux mains et éclata en sanglots. Chuan Lai avait partagé avec lui les épreuves, les souffrances de cette fameuse marche à travers la Chine. Et pourtant, quand je regardais ce beau visage vigoureux, j'étais stupéfait de le trouver aussi calme et aussi jeune. Au dîner, nous bûmes du champagne chinois, pas mauvais d'ailleurs. Et comme chez les Russes, on porta de nombreux toasts. J'en portai un à l'avenir de la Chine. Et je dis que, bien que n'étant pas communiste, je me joignais à eux de tout cœur dans leur espoir et dans leur désir d'une vie meilleure pour le peuple chinois et pour tous les peuples. Des amis m'ont demandé si les États-Unis me manquent ou New York. En toute franchise, non. L'Amérique a changé, et New York aussi. Les proportions gigantesques qu'ont prises les institutions industrielles, la presse, la télévision et la publicité m'ont complètement coupé de la conception américaine de la vie. Ce qu'il me faut, c'est l'autre face de la médaille, un sens de vie personnelle plus simple, et non pas les avenues ostentatoires ni les immeubles titanesques qui rappellent à jamais les grosses affaires et leur pesante réussite. Il m'aura fallu plus d'1 an pour parvenir à liquider tous les intérêts que j'avais aux États-Unis. Le fisc américain voulait m'imposer sur tout ce que m'avait rapporté Limelight en Europe jusqu'en 1955, prétendant que j'étais toujours résident en Amérique, bien qu'on m'eût interdit l'accès du territoire des États-Unis. Je n'avais pas de recours légal, car mon avocat américain m'expliquait que j'avais très peu de chances de pouvoir retourner aux États-Unis pour me défendre. Ayant dissous toutes mes sociétés américaines, liquidé tous mes intérêts là-bas, je pouvais me permettre de leur dire d'aller se faire voir. Et il me faut donc maintenant mettre un terme à cette odyssée que j'ai vécue. Je me rends compte que le temps et les circonstances m'ont favorisé. J'ai eu droit à l'affection, à l'amour, et aussi à la haine du monde. Oui, le monde m'a prodigué ce qu'il a de mieux et m'a presque entièrement épargné ce qu'il a de pire. Malgré toutes mes vicissitudes, je crois que la fortune et l'infortune s'abattent sur vous au hasard, comme des nuages d'averse. Sachant cela, je ne suis jamais trop bouleversé par ce qui m'arrive d'ennuyeux, et je suis agréablement surpris de ce qui m'arrive de bien. Je n'ai pas d'art de vivre, pas de philosophie. Sage ou fou, il nous faut tous lutter avec la vie. Je chancelle sous les contradictions, parfois des petits détails m'agacent et des catastrophes me laissent indifférent. Ma vie est pourtant plus passionnante que jamais. Je suis en bonne santé, mon esprit créateur fonctionne toujours, j'ai des projets de films, peut-être pas pour moi, mais je les écrirai et je les mettrai en scène pour des membres de ma famille, dont certains sont très doués pour la comédie. Je suis toujours très ambitieux. Je ne pourrai jamais prendre ma retraite. Schopenhauer a dit que le bonheur est un état négatif, mais je ne suis pas d'accord. Depuis ces 20 dernières années, je sais ce que signifie le bonheur. J'ai la bonne fortune d'être le mari d'une femme merveilleuse. Je voudrais pouvoir en écrire plus long là-dessus, mais c'est d'amour qu'il s'agit. Et l'amour parfait est ce qu'il y a de plus magnifique au monde, mais de plus décevant aussi, car c'est plus qu'on ne peut exprimer. En vivant avec Oona, je découvre sans cesse les beautés profondes de son caractère, même lorsqu'elle marche devant moi sur les trottoirs étroits de Vevey, avec une simple dignité. Sa petite silhouette bien droite, ses cheveux noirs bien tirés en arrière et révélant quelques fils d'argent. Une vague d'amour et d'admiration déferle soudain sur moi quand je songe à tout ce qu'elle est et j'ai la gorge serrée. Au milieu d'un tel bonheur, je m'assieds parfois sur notre terrasse au coucher du soleil. Je contemple la vaste étendue de pelouse verte et le lac au loin, et par-delà la présence rassurante des montagnes, et je reste là, sans penser à rien, à savourer leur magnifique sérénité. C'était Histoire vivante en nouvelle diffusion. Cette semaine, Charlot, l'éternel vagabond, proposé par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la collaboration d'Isabelle Barthes, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.